le sang haine, kématonique, ta place en enfer, attrape la fille, douleur humide, violet brûlé, poupée sanglant, ultra-violence, ultra-démence, ultra-violence, ultra-démence. Boutique pillée, survie plaisir, ange en enfer, gangrène sur terre, pouvoir brutal, race des seigneurs, ultra-violence, ultra-demence, ultra-violence, ultra-demence. Attrape la fille, douleur humide, violet brûlé, descendante, ultra-violence, ultra-démence, ultra-violence, ultra-démence, ultra-violence, ultra-démence, ultra-violence, ultra-démence.